Ça va les amigos? Pendejo. Bientôt l'été là. Bientôt l'été les amis. Moi je suis trop excité. Je vais pouvoir partir en Belgique. Je décompte les jours. La Belgique, il paraît que c'est. Bah c'est genre. Jeudi dernier quand Edouard Philippe il a fait bonne nouvelle, les Français pourront partir en vacances en France. Ça vous a tous soulagé. Nous, si la première ministre elle faisait bonne nouvelle, les Belges pourront partir en vacances en Belgique, on serait là. Merci. Oh ben, c'est beaucoup d'émotions, naturellement. Mais dans une conversation sur les vacances, il n'y a jamais personne qui fait « Je reviens de Belgique, c'était le fuego, les plages sont incroyables, l'eau, elle est turquoise. » Non, chez nous, l'eau, elle est couleur baignoire quand tu viens de laver ton chien. Il y a 40 cm de mousse. Nagui, vous en auriez jusqu'à l'humérus. Vous ne pourriez même pas profiter. La côte belge, ça donne envie de crever dans un bouillon de poule. Sérieux, au sud, c'est plus vallonné, mais nos montagnes, allez, disons que quand t'es au sommet, t'as l'impression d'être sur les épaules d'un pote, tu vois? Tu fais de la randonnée, t'as pas une courbature. Sérieux. Quand l'Espagne a annoncé la fermeture de ses frontières aux touristes, toute l'Europe a fait merde. Quand nous, on a annoncé que les touristes pourraient pas venir, c'est comme si le dentiste avait appelé pour annuler un rendez-vous. Les gens se sont fait, ah ben, c'est pas grave, on rappellera pour booker une date. C'est pour ça qu'autant de Belges vont en France chaque été, hein. C'est pas plus juste pour le plaisir d'entendre. Et alors, une fois, on veut des frites, une fois, frites, frites, frites. Et alors, comme ça, on dit huit et on dit queen, hein. Et j'ai rien contre l'humour de chez Gilbert et Mariti Carpentier, hein. La preuve, c'est que je vais rester pour la chronique de Tanguy. Mais cet été, je serai bloqué au pays. Et sincèrement, maintenant, blague à part, ça me va, quoi. Enfin, ça me va. C'est pas que je vais sacrifier un animal rare de bonheur, hein. Mais ça me va, je vous prenais. Parce que déjà, j'ai envie de soutenir le secteur du tourisme en Belgique. On parle quand même de 11 emplois, donc 4 pour branler Mannequin Peace. Ça fait des piques à pasturer, mais ça kiffe quand même l'humour de vestiaire. Alors, au-delà, je crois qu'à un moment, il y a une part de caprice dans le tourisme. Dans le tourisme, il faut absolument que tu ailles voir ce petit temple tibétain dans le golfe du Bengale où ils font eux-mêmes leurs genouillères. C'est accessible qu'en sous-marin, mais ça vaut vraiment la peine. Mais ferme tes gencives et va sur Google Images comme tout le monde. Il y a un moment, il faut se rendre compte, on peut pas tout avoir dans la vie. Moi, je crois que c'est Jean-Jacques Goldman qui disait au sujet des Restos du Cœur, moi, ça me casse les couilles de reverser l'argent aux pauvres, mais il y a que comme ça que je peux faire un duo avec David Douillet. Et c'est vrai. Il y a un moment, moi, j'ai la chance d'être né dans un pays prospère où il y a zéro catastrophe naturelle, où on a la possession de balles dans des demi-finales de Coupe du Monde. C'est pas rien, hein. Je veux dire, perdant. On peut pas tout avoir. En plus, en Belgique, on a même plus l'excuse de la météo en Belgique. Regardez mon nez, comment il est rouge. Les rageux diront vodka, mais ça, c'est un coup de soleil, hein. Avec le réchauffement de la planète, on a plus ou moins le climat du Mozambique maintenant. Sérieux. C'est pour ça que les chiffres de la pandémie sont énormes chez nous. C'est parce qu'on compte les gens qui ont la fièvre du Nil. Du coup, on risque d'être les pestiférés de l'Europe. Et puisque, sur le front européen, on s'achemine vers des accords bilatéraux entre États qui sont dans la même situation épidémiologique. Et je regrette tellement d'avoir écrit cette phrase en l'absence de Leïla. Hein, la seule qui était apte à comprendre des mots de plus de 3 syllabes dans cette émission. Mais ce que je veux dire par là, Daniel, c'est que, comme tous les gens qui étaient en 7e ligne pendant la pandémie, franchement, je mérite de rester en Belgique. Sauf si je peux aller à Biarritz, là je me casse direct. Allez, bonne émission, les amis. Merci. Bravo, Guiz. Bravo.